Hey, salut. Thank you.

C'est la même, mais c'est nul. Allez, on change au moins de tonalité. Oh, la même en fa dièse, quoi, tu vois. Thank you. j'ai complètement changé. J'ai complètement changé. J'ai complètement changé. J'ai complètement changé. Je vis simplement le temps. Maintenant, il est plus le temps de se mettre en danger. J'ai passé le temps et je ne sais pas comment. Je le rate encore de temps que j'ai. De temps en temps encore. Thank you. Trop cool, c'était trop cool. Merci à toi.